Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 58. De la distinction des vertus morales et des vertus intellectuelles. Règles pour les distinguer, suffisance de cette division, relations naturelles des unes avec les autres. 1. Toutes les vertus sont-elles des vertus morales? L'expression latine mos, d'où les vertus morales tirent leur nom, signifie tout à la fois coutume et inclination. Ces deux exceptions se rapprochent beaucoup. La coutume fait naître des inclinations presque naturelles. Il est clair que l'inclination à un acte revient de droit à la force appétitive, à la volonté, qui meut toutes les puissances à l'action. Voilà pourquoi il n'y a de vertu morale que celle qui réside dans les puissances appétitives, où se trouvent uniquement les inclinations naturelles à faire quelque chose. Les vertus intellectuelles, dont nous avons parlé, ne sont pas des vertus morales. Quand il s'agit des mœurs, observe très bien le philosophe, nous disons que tel homme est doux ou tempérant, et non pas qu'il est intelligent. 2. Les vertus morales sont-elles distinctes des vertus intellectuelles? Il est hors de doute que le premier principe de toutes les œuvres humaines est la raison, à laquelle tout ce qui opère en nous obéit de près ou de loin. Socrate en concluait à tort qu'elle suffit à l'homme pour bien agir, et que toutes les vertus sont intellectuelles. La partie appétitive de notre être ne lui obéit pas sans contradiction. La raison, dit saint Augustin, marche en avant, mais la volonté ne suit pas toujours. C'est au point que les affections et les habitudes de la force appétitive vont parfois jusqu'à empêcher l'exercice des facultés intellectuelles. Pour que l'homme agisse bien, il faut non seulement que sa raison soit disposée par les vertus intellectuelles, mais que ses puissances appétitives soient perfectionnées par les vertus morales, qui, conséquemment, se distinguent des vertus intellectuelles comme l'appétit diffère de la raison. Les habitudes morales deviennent des vertus humaines par leur conformité à la raison, de même que l'appétit est le principe des actes humains par ses relations avec la raison elle-même. 3. La distinction de la vertu intellectuelle et de la vertu morale divise-t-elle suffisamment la vertu? Les actes volontaires ou humains n'ont que deux principes en nous, la raison et la volonté. La vertu doit nécessairement perfectionner l'une ou l'autre de ses facultés. Perfectionne-t-elle la raison, elle est une vertu intellectuelle. Perfectionne-t-elle la volonté, elle est une vertu morale. Donc toute vertu est intellectuelle ou morale, donc cette distinction divise suffisamment la vertu. Note. La prudence, par sa nature, prend rang dans les vertus intellectuelles, mais, par les choses dont elle s'occupe, elle se place parmi les vertus morales. Quant aux vertus théologales, qui sont au-dessus des vertus humaines, elles n'entrent pas dans notre division. Fin de la note. 4. Les vertus morales peuvent-elles exister sans les vertus intellectuelles? Quoique les vertus morales puissent exister sans la sagesse, la science et l'art, elle ne saurait du moins se passer de la prudence et de l'intelligence des principes. D'abord, il n'y a point de vertu morale sans la prudence. La vertu qui n'agit pas avec prudence, dit saint Grégoire, n'est point une vertu. La vertu morale, en effet, nous porte vers une fin légitime et vers des moyens convenables. Comment y réussira-t-elle? Si elle n'est pas aidée de la prudence, qui conseille, juge et commande? En second lieu, il n'y a point de vertu morale sans l'intelligence. cette dernière habitude intellectuelle n'a-t-elle pas pour objet de saisir, soit dans la spéculation, soit pour la pratique, les principes évidents de la lumière naturelle? Ouais, sans elle, la droite raison, qui, dans les recherches spéculatives, doit procéder des principes naturellement connus. Où est la prudence, qui n'est autre que la droite raison appliquée aux actions? Note. Il n'est pas indispensable que, dans l'homme de bien, la raison brille sous tous les rapports, il suffit qu'elle l'éclaire suffisamment sur les bonnes actions qu'il doit accomplir. Une telle connaissance est dans tous les hommes vertueux, aussi ceux-là même qui, pour n'avoir pas l'habileté des gens du monde, paraissent d'une grande simplicité, peuvent cependant avoir en partage la prudence que notre Seigneur a recommandée dans cette parole. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, 16. À quoi bon les vertus intellectuelles, dira cet autre, le penchant naturel ne porte-t-il pas au bien avant le jugement de la raison? L'inclination naturelle au bien est, à la vérité, un certain commencement de vertu, mais elle n'est pas la vertu parfaite. Plus elle est forte, plus elle est dangereuse, si la droite raison ne la dirige pas dans le choix des moyens qu'il faut prendre pour arriver à une bonne fin. Plus la course d'un cheval aveugle est rapide, plus il se blesse en se heurtant avec violence contre un obstacle. Fin de la note. 5. La vertu intellectuelle peut-elle exister sans la vertu morale? La prudence, qui, comme on l'a vu, est une vertu intellectuelle, ne saurait certainement exister sans la vertu morale. Pourquoi? Parce qu'elle doit diriger nos actes particuliers dans la conduite de la vie. Les passions viennent très souvent fausser, dans les cas particuliers, les principes généraux. Ne voit-on pas l'homme, dominé par la concupiscence, juger bon l'objet illégitime de ses désirs? Nous avons besoin d'être disposés convenablement par rapport aux principes particuliers de nos opérations, pour que notre raison porte un jugement, en quelque sorte naturel, sur les fins que nous devons nous proposer. Voilà précisément l'effet de la vertu morale. L'homme vertueux est le seul qui juge bien des fins de chaque vertu, suivant ce principe, tel est un homme, telle lui paraît une fin. Ainsi la prudence, qui règle nos actes, exige la vertu morale. Les autres vertus intellectuelles, la sagesse, la science et l'art, peuvent exister sans les vertus morales. Note. On a vu précédemment en quel sens se prend la sagesse, considérée comme vertu intellectuelle. Puisque la prudence juge et commande, la vertu morale doit être, avec elle, comme une sentinelle vigilante pour prévenir les passions qui fausseraient ses jugements et ses ordres. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.